Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous passons aujourd'hui à la leçon 3. La phrase clé du jour est... Toire wa doko desu ka? Où sont les toilettes? Le personnage principal de ce sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de la Thaïlande. Lors de la précédente leçon, elle a remis un souvenir de Thaïlande à Sakura. Aujourd'hui, Sakura fait visiter l'université à Anna. Écoutons maintenant le sketch de la leçon 3. La phrase clé est... Toire wa doko desu ka? Où sont les toilettes? ここは教室です。 わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 Nous allons maintenant vous expliquer ce sketch. Sakura a dit: ここは教室です。 Ici, c'est une salle de cours. ここ est un démonstratif qui indique l'endroit où se trouve la personne qui parle. わ est la particule qui indique le sujet ou le marqueur du sujet. 教室 signifie une salle de cours. Des est ajouté à un nom pour former une proposition. Dans ce cas, 教室です est une salle de cours. C'est la proposition, n'est-ce pas? Oui. Ainsi, en regardant la salle de classe, Anna dit: わあ、広い. Oh, c'est spacieux. Vous dites: わあ. Quand vous êtes surpris ou ému. Hiroi est un adjectif qui signifie spacieux. Quel est l'opposé de hiroi? C'est étroit. Semai. Répétons ensemble. Hiroi, spacieux, et semai, étroit. Hiroi. Semai. Ensuite, Sakura montre du doigt un grand bâtiment. Asoko wa toshokan. Là-bas, c'est la bibliothèque. Asoko est un démonstratif désignant un endroit éloigné des deux personnes qui discutent. Wa est le marqueur du sujet. Toshokan signifie bibliothèque. En réalité, la phrase est asoko wa toshokan des, mais des est omis. Peut-on mettre de côté des? Si vous dites des, vous êtes plus poli. Si vous le mettez, vous adoptez un ton plus familier. Essentiellement, vous dites des en salle de cours ou dans les milieux d'affaires. Des est un mot poli qui conclut la phrase, n'est-ce pas? C'est juste. Anna dit: Toire wa doko desu ka? Où sont les toilettes? C'est notre phrase clé du jour. Toire signifie toilette. Son origine vient du mot anglais toilet. En japonais, quand on emprunte des mots à d'autres langues, on raccourcit souvent les mots et on les prononce à la japonaise. Television en anglais, par exemple, est devenu Terebi. Et radio est devenu radio. Le R de radio est prononcé comme un L. C'est juste. Continuons à travailler sur le sketch. Wa est le marqueur du sujet. Doko signifie où. Desu ka est la forme interrogative de des. Si vous ajoutez la particule ka après des, vous créez une question. Et les questions sont posées en haussant l'intonation, n'est-ce pas? C'est exact. Quand nous posons des questions en japonais, nous ajoutons habituellement « ka » à la fin des phrases et nous les disons en haussant l'intonation. Prononçons-les ensemble. Toire wa doko desu ka? Sakura répond: Sugu soko desu. Juste là. Sugu signifie juste. Dans ce cas, c'est un adverbe qui indique que l'endroit en question est très proche. Pour ce qui est du son G dans sugu, s'agit-il de sugu, une consonne sonore, ou de sungu, une consonne nasale? C'est sungu, une consonne nasale. En japonais, le G en début de mot se prononce de façon sonore ge, comme gagigugego. Mais pour ce qui est du G dans d'autres syllabes, comme dans sungu, vous les prononcez de façon nasale. Écoutez ceci. Na, ni, gu, ge, go. Mais ne vous en faites pas. En japonais, le sens des consonnes sonores demeure inchangé, qu'elles soient nasales ou non. Vraiment. Dans ce qui suit, soko Là est le démonstratif qui indique un endroit relativement éloigné de la personne qui parle et proche de l'interlocuteur. Des est un mot poli qui conclut la phrase. Écoutons à nouveau le sketch de la leçon 3. La phrase clé aujourd'hui est Toire wa doko desu ka? Où sont les toilettes? ここは教室です。 わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 Passons maintenant à notre rubrique intitulée Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons vu différents démonstratifs. Je voudrais en savoir plus à leur sujet. Alors demandons à notre professeur. Les démonstratifs sont les mots que l'on utilise lorsqu'on montre les choses, personnes ou lieux dont on parle. On les appelle les mots koso ado, qui sont les premières syllabes des démonstratifs de quatre groupes. これ. Ceci. ここ. Ici, cet endroit. Et. この. Ce ou cette vient avant le nom. Appartiennent au groupe ko, puisque ces mots commencent tous par ko. Ils font référence à des choses, des personnes ou des lieux situés près de la personne qui parle. それ. Ce. そこ. Là et. その. Ceci ou cette, qui vient avant le nom, appartient au groupe so. Il se rapporte aux choses, personnes ou lieux situés près de la personne qui écoute. Mais si la personne qui parle et celle qui écoute sont proches, alors ces mots font référence aux choses, personnes et lieux qui sont éloignés d'eux. あれ. Ça. あそこ. Là-bas. Et. あの. Ça, qui vient avant le nom, appartient au groupe A. Il se rapporte aux choses, personnes ou lieux éloignés à la fois de celui qui parle et de celui qui écoute. どれ. Lequel. どこ. Où. Et. どの. Lequel vient avant le substantif appartient au groupe do. Quand vous donnez la direction, vous dites こちら. Par ici. そちら. Là. あちら. Par là. Et どちら. Quelle direction? Les mots ko, so, a, do sont très importants et nous allons les utiliser souvent. C'était Enseignez-nous, professeur. Voici maintenant notre rubrique « Les mots descriptifs des sons », c'est-à-dire des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Nous vous parlerons aujourd'hui de certains mots qui décrivent la façon de se déplacer de certains animaux. C'est le son d'un cheval qui marche. Comment le décrivons-nous ? Paka paka. Un cheval marche paka paka. Un éléphant, animal beaucoup plus gros, marche noshi noshi. Alors, Adrien, comment décriez-vous un lapin qui saute à droite et à gauche? Un lapin qui saute pion pion. Dans notre rubrique Les mots descriptifs des sons, voici ceux que nous vous avons présentés. Paka paka. Noshi noshi. Pion pion. Avant de terminer, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est la section « Les tweets d'Anna ». Quand j'ai demandé « Toire wa doko desu ka ?»« Où sont les toilettes ?» On me les a indiquées. On m'a comprise quand je me suis exprimée en japonais. Maintenant, je peux trouver mon chemin partout. Avez-vous apprécié la leçon 3? La phrase clé aujourd'hui était Toire wa doko desu ka? Où sont les toilettes? La prochaine fois, Sakura rendra visite à Anna dans son dortoir. Retrouvez-nous à notre prochaine leçon.